Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 30 novembre. Vous le savez, c'est aujourd'hui que s'ouvre la conférence de Paris, la COP21. Et jusqu'au 11 décembre, ce sommet international se fixe pour but d'aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous les pays, dans l'objectif premier de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ou du moins s'en approcher. Des hommes d'État, des ministres, des spécialistes, des scientifiques vont prendre la parole, proposer des pistes et j'espère arriver à des accords. Dans notre jour est possible cette semaine, nous on va écouter d'autres voix, celles des écrivains. Depuis toujours, la nature inspire les écrivains du monde entier. Avec notre tête chercheuse de la semaine, Elisabeth Combre, nous nous intéresserons aux auteurs impliqués dans le combat écologique. Climat littéraire, tel est le titre de notre série cette semaine. Dans un instant, le premier épisode. Et en deuxième partie, je reçois Sylvie Caster qui dresse un beau portrait d'un pêcheur dans le bassin d'Arcachon dans son dernier livre, L'homme océan, édité au Seuil. Un autre jour est possible, plus que jamais, et c'est parti. This bitter earth. It bears, and if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose. Climat littéraire, premier épisode, nature déchaînée, nature enchantée, avec notre tête chercheuse de la semaine, la journaliste et écrivaine Elisabeth Combre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Laurence Sotinard, entre autres, d'un ouvrage sur le réchauffement climatique paru chez Gallimard Jeunesse en 2009. Et votre dernier livre paru, c'est édité par Plume de Carotte. Il a pour titre « Quand la nature inspire les écrivains ». Ça tombe bien, c'est notre sujet de la semaine. Donc, premier épisode, nature déchaînée, nature enchantée. Ça a toujours été des thèmes récurrents dans la littérature mondiale. Oui, la tempête en particulier, c'est un thème très très ancien, hein, dès les débuts de la littérature occidentale. Homère nous raconte la tempête. Chez les Grecs anciens, les éléments, la nature, la tempête, c'est la colère des dieux. Les Grecs vivaient à une période où ils étaient totalement soumis à la nature, effrayés par la nature, et ils ont projeter des visages humains, des dieux en forme à forme humaine sur les éléments de la nature pour les rendre plus proches et d'une certaine manière essayer de les apprivoiser. En tout cas, ils ont mis en place un face-à-face avec la nature qui va ensuite traverser toute l'histoire de la littérature occidentale. Une nature à laquelle on fait face, une nature qu'on affronte et une nature qu'on cherche plus tard à maîtriser. Et cette tempête, elle a vraiment parcouru l'histoire de la littérature. Il y a des tempêtes. Alors, jusqu'au romantique, la tempête, elle est beaucoup inspirée des écrits de l'Antiquité, inspirée d'Homère, inspirée plus tard de Virgile aussi, dans l'Énéide. Elle est racontée par Rabelais, par Ronsard, par Shakespeare, par Edgar Poe, par Victor Hugo, par Jules Verne, par Jack London, enfin voilà. Elle parcourt toute cette histoire-là. Arrive Victor Hugo, donc pour les romantiques d'une façon plus générale, La mer et la tempête, les romantiques nous racontent une nature sublime, une nature qui n'est pas classique, ordonnée et harmonieuse, mais une nature qui est déchaînée, qui est sublime dans le sens où elle nous surprend, elle nous amène à quelque chose qui nous dépasse, elle nous mène au divin aussi, à l'immensité, à l'infini. Le temps romantique commence à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et chez Victor Hugo, la nature est déchaînée, elle est animée. Pendant son exil dans les îles anglo-normandes, il voit la mer qui bouge, il la découvre assez tard, la mer, Victor Hugo. Il la voit déchaînée, il compare la rage de la mer et la douceur des côtes. On est donc dans un affrontement, dans quelque chose qui le surprend, qui le transporte aussi, qui lui fait... C'est une révélation pour Victor Hugo, la mer. La mer, c'est aussi celle qui engloutit les marins, les bateaux, c'est le néant. Victor Hugo cherche Dieu dans la nature, en tout cas des signes du divin dans la nature, même si son rapport à la religion n'a pas été linéaire. Et il raconte une nature vivante. Les arbres s'animent, les arbres hurlent, la roche est en forme d'animal, il a notamment raconté, écrit au retour de son voyage dans les Pyrénées, sur cette nature. Pour Hugo, la nature n'est pas quelque chose d'objectif. La nature, elle existe par le regard du poète, donc par son imagination. Dans ses dessins également, il a dessiné autre chose que la nature, au-delà de la nature. Je pourrais vous lire un passage qui illustre très bien cette dimension de Victor Hugo, qui a transformé les paysages. Hein. Victor Hugo, il transforme des paysages dans quelque chose qui n'est plus parfaitement ordonné. Il a mis du grotesque, de l'horreur, quelque chose qui était bien loin du classique et de l'harmonie. Donc c'est un extrait de En voyage, Alpes et Pyrénées. Avez-vous remarqué, à la tombée de la nuit, sur nos grandes routes des environs de Paris, les profils monstrueux et surnaturels de tous les ormes que le galop de la voiture fait successivement paraître devant vous ? Les uns bâillent, les autres se tordent vers le ciel et ouvrent une gueule qui hurle affreusement. Il y en a qui rient d'un rire farouche et hideux, propre aux ténèbres. Les vents les agitent, ils se renversent en arrière avec des contorsions de damnés où se penchent les uns vers les autres et se disent tout bas dans leurs vastes oreilles de feuillage des paroles dont vous entendez en passant je ne sais quelle syllabe bizarre. Il y en a qui ont des sourcils démesurés, des nez ridicules, des coiffures ébouriffées, des perruques formidables. Cela n'ôte rien à ce cas de redoutable et lugubre, leur réalité fantastique. Ce sont des caricatures, mais ce sont des spectres. Quelques-uns sont grotesques, tous sont terribles. Le rêveur croit voir se ranger au bord de la route en file menaçante et difforme et se pencher sur son passage les larves inconnues et possibles de la nuit. Donc, on est dans une nature de l'hallucination, presque. Victor Hugo a dit que le poète était là pour donner du sens à la nature, au paysage, au monde sensible. Il y a mis certains de ses cauchemars aussi. Une nature qui se déchaîne, une nature dans laquelle il cherche à la fois le divin et des réponses. Après la mort de sa fille Léopoldine, il fait tourner les tables, il cherche des signes de l'au-delà. Voilà, on est dans une nature qui dépasse totalement le regard objectif. C'est la nature augmentée. Alors, il y a un autre auteur qui a beaucoup parlé des tempêtes, de la mer déchaînée, c'est Edgar Poe, poète et écrivain américain. Il a écrit de nombreux contes macabres où, pour le coup, la mer s'ouvre sur des gouffres dans le Maelstrom, qui est un de ses contes. La mer s'ouvre dans un tourbillon, tel une gueule béante qui hurle et dans lesquelles s'enfonce un navire. Donc on est là dans les cauchemars. La nature d'Edgar Poe est en partie cauchemardesque. Mais elle est aussi, dans certains de ses textes les plus apaisés, extrêmement enchantée. On a un grand contraste chez Edgar Poe entre cette nature terrifiante et la nature enchantée de ses contes sur les jardins paysagers. À une époque où l'Europe découvre les jardins anglais, inspirés de l'art horticole chinois, ce sont des jardins donc qui essayent de reproduire toute la nature dans un parc, la nature sauvage dans un parc. Edgar Allan Poe a écrit des nouvelles sur cet art de rendre si belle la nature. C'est-à-dire qu'il a écrit notamment Le Domaine d'Arnheim, où un canot se déplace dans un paysage créé par un jardinier génial qui a fait une nature idéale. Et Poe nous emmène dans une nature plus belle que nature, enfin plus belle que la réalité. C'est-à-dire, Elisabeth Combe, que lorsque les écrivains pouvaient s'approprier la nature, la diriger, la dessiner, ça représentait pour eux le bonheur, le paradis, mais dès lors que la nature vivait d'elle-même, ça rappelait plutôt l'apocalypse, la fin du monde. Alors, chez certains, oui, et d'autres, parmi les romantiques en particulier, le sublime chez les romantiques fait peur, mais est exaltant. On est dans quelque chose qui nous dépasse, on est emporté. Chateaubriand part dans un de ses textes avec une magicienne dans la tempête, agiter la cime des forêts, surplomber le monde et la mer. Donc, le poète romantique, l'écrivain romantique est augmenté grâce à cette nature. Il se projette dans cette nature et devient projette à la fois ses états d'âme. Et Goethe, dans sa jeunesse, avait créé avec d'autres ce mouvement qui s'appelait Tempête et Passion. Et leur volonté était que l'écrivain, le poète, soit aussi spontané et à la limite déchaîné que la nature. C'était laissons venir la spontanéité, devenons plus, laissons s'exprimer ce génie, laissons-le jaillir de nous, telle une tempête, telle la nature déchaînée. Donc on n'est pas seulement dans une question de nature qui fait peur et nature qui enchante. Parfois c'est les deux à la fois. Et pour terminer ce premier épisode, nature déchaînée, nature enchantée, s'il fallait parler d'un troisième continent, l'Asie, le Japon par exemple. Alors, là justement, on part en opposition. Les romantiques se sont sentis, le moi, l'ego des romantiques est augmenté par leur contemplation de la nature. Les Japonais, dès le XVIIe siècle, d'ailleurs avant même que le mouvement romantique se développe en Europe, les Japonais ont une attitude dans la littérature totalement différente. Le poète japonais Basho, au XVIIe siècle, qui est un poète marcheur, a inventé les haïkus dans leur forme moderne, à ce moment-là. Et là, au contraire, on se laisse traverser par la nature. Le moi s'efface pour réussir à capter toutes les sensations de la nature et capter cette fragilité du monde dans l'instant. Dans son roman « La danseuse d'Izu », Kawabata décrit assez peu les lieux, mais il révèle des ambiances. Une volée d'oiseaux vint s'abattre près du banc, et telle était la quiétude sur cette montagne qu'on entendait crisser les feuilles mortes sur lesquelles il se posait. Merci beaucoup Elisabeth Combe, c'était notre premier rendez-vous aujourd'hui. On se retrouve demain et toute cette semaine pour parler des climats littéraires. Deuxième épisode donc demain, on parlera de la nostalgie de la nature. À demain. À demain. Giving presents to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. just can't waste no time. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Bonjour Sylvie Caster. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre, L'Homme Océan. C'est un portrait, le portrait d'un marin pêcheur sur le bassin d'Arcachon. Et c'est édité par Le Seuil dans la collection Raconter la vie. Donc tout ce qui est dit est vrai dans ce livre. Ah oui, tout ce qui est dit est vrai. C'est un vrai portrait. Jean-Marie, ce marin pêcheur complexe, existe. Ah, il existe et il pêche. Il existe à 100%, Jean-Marie. C'est quoi la pêche dans un bassin d'Arcachon? À quoi ressemble Alors, cette pêche? La pêche qu'il fait, c'est un personnage complexe, Jean-Marie, qui est un marin pêcheur relativement atypique, hein, qui pêche actuellement sur le bassin d'Arcachon, mais c'est un amoureux de l'océan qui a fait des grandes pêches en haute mer. Et le bassin, il sent un petit peu enfermé dans le bassin. Alors cela dit, il y pratique une pêche qui, ils sont pas beaucoup à la pratiquer comme lui sur le bassin, c'est la pêche des moules. Il part avec un bateau, son matelot, une dragueuse de moules, et il va pêcher. Alors il pêche de nuit, ce qui lui correspond tout à fait, ça correspond tout à fait à Il y a une raison, c'est que c'est une pêche qui est plus discrète, parce que c'est un peu comme les cèpes, les endroits où se mettent les moules. Si on vous suit, qu'on repère le coin où vous pêchez, il vaut mieux pêcher comme ça dans une pêche un peu discrète de nuit, quoi. Et puis aussi, il va pêcher dans un endroit qui est très très connu sur le bassin. Enfin, c'est les passes, il va pêcher près des passes. Ce qui est très dangereux. Oui, puisque c'est l'endroit où, évidemment, l'océan rentre dans le bassin. Il y a des hauts fonds, il y a des vagues très traîtres, enfin les voilà. Et c'est un peu par là qu'il va quand même pêcher. Jean-Marie est une personne très complexe. On se rend compte assez vite. Il aime Schubert, mais il s'est composé une carapace de protection dans le style plus viril, tumeur. Cheveux coupés en brosse, coupe style commando de l'armée, carapace du blouson impressionnant, tatouage très visible, très marqué sur la peau, très noir. Rien du petit tatouage à la mode. Tout le bras imprimé de marques noires dont il connaît l'effet quand il montre volontairement son bras. Vous le décrivez très bien. Ah, merci. Mais ce qu'il y a, oui, en effet, Jean-Marie, en premier abord, il a l'air d'un baroudeur avec un physique assez impressionnant. Il n'est pas très grand, mais il est très, très, très costaud. Et il le sait, d'ailleurs. Il le sait, il sait qu'il a un physique impressionnant. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué que le pourrait le laisser penser. Son allure viril de viril, et notamment en parlant avec lui, en ayant sa confiance, il parle quand même beaucoup de choses personnelles, et je trouve qu'il en parle magnifiquement. Il parle magnifiquement de son père, il parle magnifiquement du rapport qu'il a à la douleur, il parle de lui-même avec une certaine autodérision, hein, il est capable de dire « je suis quelqu'un de pas forcément sympathique », enfin il est... moi je le trouve, par bien des côtés, très intelligent et très attachant. Mais on voit bien que vous êtes sous le charme de cet homme océan, Sylvie Caster. Mais qu'est-ce qui vous pousse à lui consacrer tout un livre? Ah ben justement, parce que quand il a, dans ses circonstances qui étaient personnelles, où... Vous perdez un ami, on peut le dire, voilà. Sylvie Caster. Oui, et un ami très cher, qui était du bassin d'Arcachon, qui adorait... Comme vous, d'ailleurs. Comme moi, qui adorait le bassin. Et puis, sa femme, qui est une de mes grandes amies, s'est retrouvée après sa mort avec ses cendres, il était complètement désemparé, sachant que faire avec ses cendres. Il ne voulait pas les jeter dans un jardin du souvenir. Elle cherchait quelque chose qui aurait correspondu à Michel. Et c'était d'aller jeter les cendres de Michel dans le bassin. Justement, près de ses passes, alors, là où est l'océan, c'est tout à fait lui. Il adorait la mer, il adorait le bateau, c'était... Et d'où la rencontre avec Jean-Marie, le marin-pêcheur. Oui, parce que Jean-Marie... Enfin, ça ne se fait pas là-bas, ça ne se pratique pas, les lancers de cendres dans le bassin, ça n'existe pas, hein. Du moins pour le moment. Et donc Jean-Marie était la seule personne qui a dit « je vais le faire », quoi. Et qui nous a amenés avec Michel, avec les cendres de Michel. Alors, c'est effectivement ce qui est très poignant à la fin de ce court récit, Sylvie Caster, parce que vous dites adieu à un ami, et c'est la naissance d'une nouvelle amitié, ça on l'a compris, mais il y a aussi autre chose dans ce livre, un contraste qui est que j'ai beaucoup aimé dans L'Homme Océan, c'est vraiment le prolo de la mer dans une station balnéaire pour riches. Oui, j'ai trouvé qu'il fallait raconter aussi un petit peu de cet endroit, enfin qui est quand même, c'est-à-dire que les passes, c'est vraiment tout près, là où il prend danger et risque du Cap Ferret, quoi. Enfin, ça, les endroits se regardent. Quand on revient de la pêche nocturne qu'on fait avec Jean-Marie, qu'est-ce qu'on fait? On passe, on longe, des coins pour multimilliardaires. Il y a tout le temps c'est tout le temps présent quand même. Et en même temps que lui, il mène une vie de dureté avec, comme il dit, c'est le Cap Ferret, le bassin, l'hiver. Le rideau tombe, quoi. Enfin, c'est plus... Il faut lutter, quoi. Et vous-même, Sylvie Caster, quel souvenir avez-vous avec ce lieu? C'est un port d'attache? C'est la famille, les racines? Ou bien c'était le lieu qu'il fallait absolument quitter pour s'émanciper et devenir la journaliste? C'est un peu tout, parce que c'est quand même le lieu de mon premier livre, le lieu d'une histoire familiale pas ébouriffante de gaieté quand même, donc j'avais envie de quitter l'endroit, et en même temps j'y suis profondément attachée, je crois, pour sa merveilleuse beauté, sa beauté extraordinaire. L'Homme Océan, donc c'est Jean-Marie, ce marin-pêcheur. Est-ce qu'il a lu votre portrait, parce que c'est aussi son portrait que vous dressez dans ce livre? Son portrait, oui. Il l'a lu? Oui, il l'a lu. Donc c'est un portrait autorisé? C'est un portrait autorisé parce que je lui ai demandé, parce que j'avais mis son nom, et puis je me disais, peut-être il aimerait qu'on change de nom, enfin il est pas... Bien sûr. Hein, par discrétion, qu'il raconte des choses personnelles, j'avais peut-être pas envie que... Il n'a rien enlevé. Et c'est dans la collection Raconter la vie. Très belle collection d'ailleurs. C'est aux éditions du Seuil. Sylvie Caster, vous continuez votre profession de journaliste. Vous écrivez encore pour la revue 21. Depuis sa création d'ailleurs, vous suivez toujours... Avant, et je me souviens très bien, c'était au Canard Enchaîné. Oui. Et puis, pour ceux qui vous ont connu avant, vous étiez avec la première équipe de Charlie Hebdo. Oui. Donc, ça fait beaucoup de souvenirs, tout ça. Est-ce que c'est une matière pour l'écrivaine que vous êtes? Ou est-ce que vous essayez, comme vous l'avez fait ici avec L'Homme Océan, au contraire, de vous éloigner un peu de tout ce qui est autobiographique, une fois que vous avez raconté dans votre roman votre vie, de vous éloigner un peu de tout ça pour rencontrer d'autres gens, d'autres univers? En ce moment, j'ai envie de rencontrer d'autres univers et d'autres gens, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous intéresser, Sylvie Caster, à un sujet, à une personne plutôt qu'à une autre ou... Il faut que je ressente quelque chose d'elle. Faut que je... Vous pouvez décrire ce sentiment ? Oui, parce que, par exemple, Jean-Marie, je me suis dit, la personne qui fait ça, qui nous emmène en bateau comme ça, qui répond présent pour quelque chose qui est difficile, et qui va précisément dans cet endroit-là, c'est une personne qui est quelqu'un. C'est quelqu'un. Alors, je sais pas exactement quelqu'un c'est, mais c'est quelqu'un. Qui peut prendre un risque, qui a une générosité, qui a un cran, qui a une sorte aussi de poésie. Poésie. Il faut au moins tout ça pour que vous suiviez un personnage, ou pour entrer dans un monde, un univers, un événement, Sylvie Caster. Ben là, je suis en train de travailler sur un livre à partir d'un fait divers atroce que j'avais écrit pour la revue 21, qui est une histoire de viol à Marseille. Mais c'est pareil, c'est parce que la jeune fille est morte, que à la suite de ce viol, que sa photo m'a absolument frappée. Enfin, les circonstances aussi. Après, j'ai vu son père qui parlait au procès des violeurs. J'ai trouvé ce père absolument remarquable de dignité, d'intelligence. Mais là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a happé, qui me touche. Alors après... Autant de sentiments que vous faites partager à travers votre écriture délicate, Sylvie Caster. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. L'Homme aux séances, édité au Seuil. On passe à la dernière partie de l'émission pour avoir votre humeur. Oui. En ce jeudi 12 novembre, choisissez oui. trois questions. C'est alors, la corbeille question. Quelle est votre définition du bonheur ? C'est aimer. Deuxième question. Est-ce que vous chantez ? Alors ça, oui, mais alors je chante très très mal et très très faux, et ça je le regrette, parce qu'il n'y a rien d'être formidable, de très bien chanter, d'être un plaisir pour les autres, alors que moi je chante comme une casserole. Même quand vous êtes seule. Troisième question. Quel est le plus tenace de vos souvenirs d'enfance ? Oh, il est atroce. C'était les crises d'épilepsie de ma sœur. Et on me demandait de la tenir. Bouh. Pauvre. Merci d'avoir répondu à mes questions, Sylvie Caster. Oui. L'émission est terminée. Eh ben, on va utiliser votre belle voix pour le générique final. Alors, c'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Le podcast, vous n'utilisez pas ça ? Le podcast. Je recommence alors. Non, ça va. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. C'est-à-dire Facebook, Twitter. Oui. Un autre jour est possible. Une émission de Toufik Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet. Prise de son, Tristan Gratalon. Réalisation, Thomas Duterre. Merci beaucoup, Sylvie Caster. Bonne journée.